The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Astronaut. L'astronaute. Astronomy. L'astronomie. Earth. La Terre. Flabbergasted. Stupéfait. Stars. L'astre. Planet. La planète. Atmospheric. Atmosphérique. Avid for. Avid de. Light year. L'année-lumière. Solar system. Le système solaire. Milky Way. La voie lactée. Fulfilled. Comblé. Fling. La passade. Refracting telescope. La lunette astronomique. Has its importance. Avoir son poids. Overcome with joy. Transporter. To flaunt one's knowledge. Étaler son savoir. Now, a bit faster. Earth. La Terre. Fling. La passade. Refracting telescope. La lunette astronomique. Overcome with joy. Transporter. To flaunt one's knowledge. Étaler son savoir. Astronaut. L'astronaute. Planet. La planète. Flabbergasted. Stupéfait. Fling. La passade. To flaunt one's knowledge. Étaler son savoir. Stars. L'astre. Has its importance. Avoir son poids. Refracting telescope. La lunette astronomique. Earth. La Terre. Light year. L'année-lumière. Fling. La passade. Light year. L'année-lumière. Has its importance. Avoir son poids. Solar system. Le système solaire. Astronomy. L'astronomie. Fling. La passade. Has its importance. Avoir son poids. Fling. La passade. Flabbergasted. Stupéfait. Atmospheric. Atmosphérique. Astronomy. L'astronomie. To flaunt one's knowledge. Étaler son savoir. Solar system. Le système solaire. Refracting telescope. La lunette astronomique. Fulfilled. Comblé. Avid for. Avid de. Fulfilled. Comblé. Fling. La passade. Milky Way. La voie lactée. Now, use the words in context. Stupéfait. Shocked by the man's confidence, the boss decided to hire him. Stupéfait par l'assurance de ce jeune homme, le patron, impressionné, décida de l'engager. Comblé. The young man had been pursuing her for 2 years, so when she finally agreed to have dinner with him, he was overcome with joy. Quand elle a finalement accepté de dîner avec lui, le jeune homme, qui la courtisait depuis 2 ans, fut vraiment comblé. La passade. She doesn't want to fall in love, so for now, she goes from one rocky romance to another. Elle n'a pas envie de tomber amoureuse. Alors, pour l'instant, elle collectionne les passades. Transporter. When he learned he was going to be a father, he was so overjoyed that he told everyone at the office. Lorsqu'il apprit qu'il allait être père, il fut tellement transporté qu'il annonça à tout le monde au bureau. Avoir son poids. The way you knead the dough is crucial to the success of a good bread. La manière dont tu pétris la pâte a tout son poids dans la réussite d'un bon pain. Stupéfait. Shocked by the man's confidence, the boss decided to hire him. Stupéfait par l'assurance de ce jeune homme, le patron, impressionné, décida de l'engager. La passade. She doesn't want to fall in love, so for now she goes from one rocky romance to another. Elle n'a pas envie de tomber amoureuse. Alors, pour l'instant, elle collectionne les passades.